penser à la reconduction du cours pour l'année prochaine, et donc je pense qu'il est utile que l'école sache. C'est un intérêt, je pense, relativement notable pour un. Parce qu'ici, normalement, les séminaires sont petits. Hein. Donc, une chose pratique. Donc, on se voit régulièrement dans 2 semaines, mais pas le 5 février, parce que comme je vous avais déjà dit, je n'avais pas fait attention, parce que c'est le 5e parce qu'il y a le 5e mardi du mois, et donc actuellement, je ne peux pas faire 2 cours de suite. Et donc, on saute le 5 février, donc on se voit après, donc, le 19, et on récupère le cours perdu en avril, c'est-à-dire, on devrait faire les 3 premières semaines d'avril, je vais faire cours chaque semaine, donc de manière qu'elle va juste terminer avant les vacances de Pâques. Et ben, il est déjà assez facile à prévoir que je ne vais pas terminer le cours tel que j'avais prévu, parce que déjà, donc, aujourd'hui, au 5e cours, je suis à peu près encore à la moitié du 3e cours. Et ben, ça ne fait rien, donc... J'espère que l'école va bien nous accorder une reconduction pour l'année prochaine. Donc, si vous avez encore la patience, donc on va continuer le même sujet, donc, et ajouter encore d'autres thèmes en 2013-14, si l'école veut bien. Hein. Quand tu résumes, la prochaine fois, c'est quand hein? La prochaine séance, c'est dans 2 semaines, normalement. Et après, donc, il faut attendre 3 semaines pour se revoir. Hein. Oui, donc il n'y a pas le 5. Je vais aussi le faire mettre sur le site. Oui. Oui. Et donc après le 19 février, oui. Donc alors... J'avais prévu de consacrer les 4 premières séances, c'est-à-dire les séances de l'année dernière, à un résumé de base aussi de la critique de la valeur, à peu près au niveau où je l'ai exposé dans mon livre « Les aventures de la marchandise ». Comme peut-être il était facile à prévoir, les 4 séances n'ont pas été suffisantes. Donc je vais continuer, je pense au moins encore aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, je me promets vraiment de m'arrêter une demi-heure avant, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui ont envie de poser des questions. Donc, je pense peut-être le morceau peut-être le plus dur, c'est-à-dire de vraiment tenter qu'est-ce que c'est que le travail abstrait. Donc, je dirais, on l'a fait à peu près. Bah, c'est sûr qu'on pourrait encore revenir sur le sujet, on peut peut-être poser beaucoup de questions, mais je pense... De toute manière, comme j'ai dit, moi, il m'a pris quand même quelques années pour le comprendre, donc je ne prétends pas de pouvoir l'expliquer en 2 séances, qu'est-ce que c'est que le travail abstrait. Mais en plus, justement, qu'est-ce que c'est que le travail abstrait, le concept, je pense qu'on va aussi le voir, pas seulement dans une définition préliminaire donnée une fois pour toutes, mais on va aussi le voir lorsque le concept retourne dans différentes constellations de la pensée, ou on pourrait dire lorsque le concept aussi donne les usages concrets d'un concept. Je dirais aussi, c'est justement aussi le propre de la réflexion dialectique, justement, qu'il n'y a pas une espèce de prémisse qu'on pose comme dans un syllogisme, et donc qu'après on applique, mais justement... La pensée dialectique, pour moi, c'est aussi quelque chose qui va par des cercles qui se enlargissent, donc un concept retourne en différentes combinaisons et constellations, en dévoilant de cette manière aussi tout ce qu'on peut voir, sa signification et son pouvoir heuristique, et aussi c'est une manière de le mettre à l'épreuve. Donc... Aujourd'hui, donc il n'y a pas un seul thème comme le travail abstrait, donc je voulais commencer un peu avec le thème du fétichisme, de la marchandise, et de développer, c'est-à-dire encore plusieurs conséquences du concept du fétichisme, du concept du travail abstrait, du concept de marchandise, si on le pose en tant que base d'une réflexion sociale. D'ailleurs... J'espère d'ailleurs que de ne pas me répéter ici parfois, parce que déjà le fait que je ne termine jamais ici le cours comme je l'avais prévu, en plus en même temps je fais parfois des conférences sur le même sujet ailleurs, donc parfois effectivement j'ai quelques difficultés à me rappeler qu'est-ce que j'ai déjà dit ici ou pas. Donc éventuellement si je commence à devenir rébarbatif, donc faites, dites-le moi. Donc, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment parlé du concept de fétichisme. Et donc, alors, comme évidemment vous savez, il y a évidemment ce quatrième sous-chapitre qui s'appelle justement sur le fétichisme de la marchandise et son secret. Et ce chapitre arrive d'ailleurs dans le Capital de Marx, quand même, peut-être j'ai déjà dit, comme d'une manière assez étrange. Étrange aussi parce que tandis que les premiers trois sous-chapitres, les premiers chapitres se développent et sont seulement d'une manière, si on veut, assez concis et presque aride, donc il n'y a que les trois marchandises qui s'échangent, donc aussi le langage, si on veut, est très, très, si on veut, est très presque comme des formules mathématiques. Ce sous-chapitre donc, sur le fétichisme, au contraire, il y a une espèce de feu d'artifice. Donc là, on voit aussi le Marx auteur cultivé, qui cite plusieurs auteurs aussi. Donc il plaisante, donc il termine en plaisantant en citant Shakespeare. Donc ce chapitre est assez différent. Quand même, donc ce n'est pas une espèce de glose, ça quand même, ça vraiment que ça place dans l'architecture de l'œuvre de Marx. Ce chapitre était aussi déjà là dans la première version du Capital publiée en 67. Et justement, j'insiste sur le fait que là, Marx donc, n'analyse pas le fétichisme comme un phénomène de conscience, ce n'est pas une mystification, mais c'est effectivement la première chose qu'il y a à dire, donc la première conséquence à tirer de l'analyse de la forme valeur. Et, alors justement, on a dit souvent, surtout des interprètes comme Althusser, qu'il ne faut pas lire ce chapitre au moins pas au début, parce que ça crée de la confusion dans la tête du lecteur. Parce que effectivement, si on voit dans le fétichisme une forme de mystification, on ne voit pas bien pourquoi Marx devrait lui donner une place tellement au début de son argumentation. Et, il existe un autre passage sur le fétichisme, juste quelques pages, que Engels... Est-ce que j'ai déjà dit tout cela ou non? Oui. Non, d'accord. Ben Engels a placé à la fin du troisième volume, donc tout à la fin, donc après 2500 pages, le fétichisme réapparaît. Là, effectivement, Marx parle d'une forme de mystification. Donc là, on dit que pour l'économie politique bourgeoise, le capital est reconduit pratiquement à différents facteurs autonomisés, comme dit Monsieur le Capital et Madame la Terre, donc qui semblent chacun participer à la création du capital. Et donc, évidemment, pour l'économie politique bourgeoise, la valeur ne peut pas être créée seulement par le travail et par l'ouvrier, mais aussi le capital et la propriété foncière joue un rôle autonome. C'est aussi la justification idéologique qui a toujours utilisé l'économie politique bourgeoise pour justifier le partage du profit entre trois. Donc, c'était aussi tout le thème de Ricardo. Donc, il disait que c'est juste que finalement le profit est la sur-valeur est partagée en trois parties parce qu'il y a il y a essentiellement trois facteurs de production et donc trois classes sociales qui contribuent. Donc l'ouvrier, il travaille, le propriétaire du capitaliste, il donne le capital, et le propriétaire foncier, il prête le terrain si c'est nécessaire. Et donc, tout le marxisme traditionnel donc, c'est évidemment, a toujours donné beaucoup d'importance à critiquer cette idéologie bourgeoise de la juste répartition en disant qu'en vérité, il n'y a que le travail qui crée la valeur, que le capital, ce n'est que du travail accumulé, parce que le capital fixe également, ce n'est que du travail passé, du travail mort, du même pour la propriété foncière, qui en vérité n'est qu'une espèce de rente que les propriétaires fonciers font payer aux propriétaires du capital. Et donc, ce n'est pas la chose qui nous intéresse ici, comme j'ai toujours dit, donc, les marxistes traditionnels se sont assez peu intéressé à la question de qu'est-ce que c'est que la valeur, mais seulement à la question de qui crée la valeur et donc de sa répartition entre les différentes classes sociales. Voilà pourquoi le marxisme traditionnel a été essentiellement une lutte pour la justice sociale sur le terrain déjà accepté de la production de la valeur et donc de la marchandise et du travail abstrait. Dans cette perspective du marxisme traditionnel, il était tout à fait logique de comprendre, donc de comprendre le terme de fétichisme à travers ce passage de Marx, ce que Marx appelle justement la formule trinitaire. Donc pour l'économie politique bourgeoise, et donc il y a trois facteurs de production qui finalement ont presque l'aspect d'un rapport entre personnes. Et donc, tout le marxisme traditionnel a lu le chapitre sur le fétichisme au début du Capital, à peu près dans la même perspective. Donc, le fétichisme, donc, c'est une espèce de ruse de capitalistes pour cacher le fait qu'eux, ils volent la survaleur aux ouvriers, tandis qu'en vérité, toute la survaleur ne devrait appartenir aux ouvriers. Et donc, dans tous les manuels traditionnels du marxisme, en général, il y a très peu d'attention au concept de fétichisme. S'il y en a, il y a toujours cette idée, le fétichisme, c'est une voile, donc c'est une espèce, donc c'est une idéologie qui doit cacher aux ouvriers le fait qu'en vérité, tout serait à eux, comme disait Feu, le parti, non, le nouveau parti anticapitaliste. Ah non, il n'est même pas Feu, hein, quand même. C'était un de leurs slogans, non ? Qui se base sur cette idée. Alors, il y a quand même beaucoup de dire, c'est qui d'autre qui l'avait dit, en vérité, rien n'est à nous dans ce monde, plutôt que tout. Donc, c'est quand même, si vous voulez, un choc vraiment de mentalité de dire tout est à nous ou rien n'est à nous, ou au contraire de dire, dans ce monde ici, donc, en vérité, rien, il n'y a rien où on peut se retrouver. Maintenant, au-delà de la blague entre deux slogans, c'est-à-dire, ça me vient à l'esprit maintenant, ce sont quand même deux approches vraiment différentes, si je pense, on pourrait quand même, parce que l'idée de tout est à nous, c'est quand même un rapport essentiellement positif à ce que le capitalisme a créé, à la production industrielle, etc., qui pose seulement la question de la propriété, c'est-à-dire les autres nous volent l'argent, nous volent la production industrielle, en vérité c'est à nous de nous le prendre. Et le marxisme traditionnel était à peu près cela, l'idée de s'approprier de ce que le capital a créé. Tandis que, justement, l'autre idée que rien dans ce monde est à nous, dans le sens il n'y a rien où nous pouvons nous reconnaître, ça pourrait à la limite être un résumé, justement, d'une critique de la valeur et du fétichisme, de dire il y a déjà toute cette production qui, dès le début, arrive dans une forme renversée. Le fétichisme est déjà, en tant que tel, un renversement de la réalité. Renversement dans le sens d'une version, donc. Et justement, c'est là le côté qui, je pense, est difficile à comprendre dans la théorie du fétichisme de Marx, et pourquoi il l'a placé au début, parce que Marx voulait quand même dire, ou aussi dire, que justement, il n'y a pas simplement une version dans les têtes. Le fétichisme n'est pas simplement une image renversée dans les têtes où les agents de production se font une idée erronée de ce qui arrive. Il y a ce concept plus difficile à comprendre, qu'il y a déjà un renversement dans la production, une version, et là, je pense que je vais beaucoup insister dans le dernier cours, cette inversion, c'est surtout entre l'abstrait et le concret. Le travail concret devient simplement le porteur du travail abstrait, la valeur d'usage devient simplement le porteur de la valeur, c'est-à-dire que tout ce que la production... Tout ce qui est la production concrète de la vie humaine, donc finalement, n'existe ou n'a que droit d'exister, qu'en tant que forme phénoménale, forme matérielle, de toute manière forme visible, de cette réalité plus profonde, qui est la réalité abstraite, et qui est l'accumulation vide et tautologique de la valeur qui n'a pas de contenu. Je pense là, j'ai beaucoup insisté sur ça. Mais justement, donc, il y a une espèce d'inversion réelle. Donc si, en vérité, quelqu'un dans la société abandonne la production du jouet à la faveur de la production des bombes, parce que les bombes contiennent une partie plus grande de survaleur, donc en vérité, dans ces cas-là, la société n'est, ou le, disons, le capital ou le propriétaire du capital n'ont même pas pris position contre le jouet à la faveur des bombes, mais simplement le jouet et les bombes n'étaient que, de certaine manière, le porteur, le visage concret de cette réalité plus fondamentale qui est la valeur. Et on lui dit, il n'y a pas d'équilibre entre ces deux choses. Parce qu'évidemment, il serait absurde d'être contre l'abstrait. Je pense qu'on a parlé la dernière fois de la différence entre abstraction réelle et abstraction nominale, ou abstraction de la pensée. Il est évident que la pensée ne peut pas marcher contre une abstraction. Nous ne pouvons pas, devant chaque arbre, dire « Ah, qu'est-ce que c'est cet étrange objet ?» Il est évident que nous classons chaque arbre d'abord dans la catégorie abstraite, par exemple, de la chaîne. Et après, dans la catégorie abstraite de l'arbre, justement, non, ce n'est pas que l'abstrait en tant que tel soit négatif, mais en général, justement, c'est-à-dire, avec la pensée, il y a quand même une espèce de subordination de l'abstraction à la réalité concrète, parce que concrètement, il n'existe pas l'arbre, il existe toujours une différente forme d'arbre. Et je vous avais fait ces citations assez... je trouve remarquable de Marx, où il dit que c'est comme si à côté des lions, des tigres, des lapins, etc., il existait encore l'animal en tant que tel, comme réalisation, comme personnification de l'animal, de ce concept abstrait, l'animal, comme s'il existait un animal, que simplement un animal à côté des animaux concrets. Et justement, Marx fait cette comparaison donc, justement, entre l'argent en tant que... représentant matériel de l'argent et cet hypothétique animal avec majuscule. Et donc, dans la société, donc je dis, alors, dans la société capitaliste, l'abstraction n'est plus, dans la société marchande, l'abstraction n'est pas un innocent processus sans lequel nous ne pourrions pas penser, mais devant une réalité. Et cette réalité n'est pas un équilibre avec le concret, mais cette abstraction réelle devient de certaine manière la véritable réalité. Et tout ce qui est concret n'existe, disons, qu'à la traîne de cette abstraction devenue matérielle dans l'argent. Donc justement, lorsque alors tout objet, en vérité, dans l'échange des marchandises, les marchandises n'existent pratiquement toujours que comme le représentant d'une quantité d'argent. Lorsque ce n'est plus possible, l'objet n'est plus une marchandise. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a personne qui veut payer pour l'objet, lorsqu'il n'est pas vendable, il peut garder sa valeur d'usage, mais il n'existe plus sur le plan économique, et donc il n'est plus une marchandise. Et donc cette autre lecture du fétichisme donc, voit donc dans le concept de fétichisme, donc, tel que Marx l'explique au début du Capital, essentiellement donc, un développement de cette idée, de ce rapport entre travail concret et travail abstrait, entre valeur d'usage et valeur. Donc le fétichisme, justement, cette société où l'abstrait est devenu le véritable Dieu, donc qui représente nos pouvoirs sociaux. Et donc ce n'est pas une question psychologique, ce n'est pas une question idéologique, ce n'est même pas quelque chose de conscient, mais c'est quelque chose qui arrive automatiquement. Justement au début de ce chapitre, Marx dit, en détournant la Bible, Marx dit qu'ils ne le savent pas, mais ils le font. Donc le processus marchand est quelque chose qui arrive derrière le dos des participants. Alors, Marx ne le dit pas avec le même mot que je dis maintenant. Au contraire, le chapitre sur le fétichisme est difficile aussi parce qu'il y a plein de métaphores. Il y a quelques comparaisons, pas toujours trop heureuses d'ailleurs, avec d'autres formes de production au Moyen-Âge. Et là, nous sommes aussi face au fait qu'il existe différents Marx. Je l'avais parlé, déjà à la première lecture expliqué. La critique de la valeur part quand même de l'idée qu'elle existe une Marx exotérique et ésotérique, donc une Marx critique radicale des catégories fondamentales de la société marchande, une autre, le Marx exotérique qui, on analyse surtout la forme empirique que cela avait à leur époque, par exemple la lutte des classes. Alors cette différence entre une Marx exotérique et ésotérique. Donc, ce n'est pas une question d'œuvre ni de phase. Ce sont vraiment différentes couches dans sa propre pensée, qui d'ailleurs l'ont accompagné à peu près toute sa vie, on pourrait dire, et qui on ne peut pas démêler. Donc, ce sont des choses qui se peuvent se mêler dans le même ouvrage, dans le même chapitre, dans la même phrase. On pourrait même parfois donner deux différentes lectures de la même approche de Marx. Et on pourrait le trouver d'autres questions, donc on va peut-être en parler aujourd'hui. Par exemple, Marx, d'un côté, reste quand même, comme disait Kurz, un dissident de la pensée libérale. Ça reste quand même quelque chose qui est beaucoup aussi dans la tradition des Lumières, et aussi dans cette idée de justice sociale, de progrès, d'affirmation du travail, parce que ça existe aussi chez Marx, l'affirmation du travail, cette idée que l'homme doit particulièrement se soumettre à la nature. Et il existe en même temps chez Marx cette autre critique plus radicale, donc on ne pourrait même presque pas dire d'où ça vient, même si on pourrait quand même indiquer à peu près dans le développement de l'égalisme, un peu de l'égalisme, l'autre côté de Marx, qui est au contraire donc une critique radicale de ce même forme. Et ça veut aussi dire... Et donc la critique de la valeur aussi ne se propose pas pour être, disons, pour rétablir le véritable Marx contre la déformation du marxisme traditionnel. Ce n'est pas ça. Le marxisme traditionnel avait raison avec une partie de sa lecture. Marx est aussi le théoricien de la lutte des classes, le théoricien du progrès, et qui veut faire triompher la classe ouvrière, etc. Mais simplement, il y a aussi un autre côté. Se démêler chez Marx. Marx, souvent, il semble même hésiter, ou peut-être pas comprendre tout le dilemme, parce qu'en plus, c'est normal. Donc, si on rentre dans une telle terreur de nouveauté, et c'est normal qu'on ne peut pas, avec tout d'un coup, un homme, en plus, dans les conditions de vie qui étaient celles de Marx, ne pourrait évidemment pas découvrir tout le terrain. Et donc, par exemple, Marx même utiliser probablement le terme fétichisme en différents sens, parfois comme mystification, comme parfois comme une version de la réalité. Plus Marx ne prenait jamais ouvertement position sur des questions, si vous voulez, métaphysiques ou ontologiques, par exemple, qu'est-ce que ça peut être une version de la réalité. Donc ce que j'ai dit, donc, c'est une lecture possible, mais qui, comme je dis, qui n'est pas... qui n'est pas contredit par le fait qu'on peut aussi trouver d'autres choses chez Marx. Je les laisse volontiers aux adversaires. L'affirmation existe aussi beaucoup d'autres choses dans l'œuvre de Marx. On dit la critique de la valeur veut être une théorie en développement. Donc la source principale est une partie de l'œuvre de Marx, mais pour le développer et pour en faire d'autres choses, et aussi après pour évidemment aussi s'ouvrir à l'apport d'autres formes de théorie, et donc ne veut pas être donc simplement une relecture de l'œuvre de Marx. Donc il n'a pas de texte sacré, donc évidemment Marx pouvait se tromper comme tout le monde, mais surtout il pouvait lui aussi ne pas avoir toujours une claire conscience de toutes les implications de ses idées nouvelles. On doit le voir aussi sur la question de l'âme, que je veux peut-être aborder un peu plus tard, de individualisme méthodologique. Ça veut dire qu'il y a comme une approche qui est largement prévalente dans tout sens bourgeois, c'est-à-dire de toujours considérer des acteurs individuels et considérer toute forme de totalité comme simplement une agrégation de cette réalité ontologique primaire qui est l'individu, pas l'individu seulement comme personne humaine, mais l'individu comme fait observable. Et Marx, parfois, il est assez proche comme de cette approche. Il existe une autre approche plus difficile à nommer parce que holisme ne serait pas le bon terme. Disons une approche plus globalisante, une approche qui pense même l'individu comme étant déterminé par une forme de totalité. Et cette autre approche est également présente chez Marx. C'est peut-être une approche qui peut être plus fertile pour comprendre la société marchande. Et justement, je pense qu'on va encore insister... dans la suite du cours sur cette autre approche. Je reviendrai tout de suite. Alors justement, donc je ne voulais pas faire une conférence trop spécifique sur le terme de fétichisme. J'ai dit donc Marx présente comme le fétichisme dans le premier chapitre en disant explicitement que c'est quand même un phénomène réel et pas un phénomène seulement dans les têtes des personnes. Et donc le fétichisme, en termes plus génériques, donc ça veut dire que le rapport entre choses apparaissent comme des rapports entre personnes, et le rapport entre personnes apparaissent comme des rapports entre des choses. Donc ce sont essentiellement... Mais justement, Marx dit que ce n'est pas simplement une illusion, mais c'est quelque chose qui arrive réellement. Il le dit effectivement littéralement dans ce chapitre. Mais j'ai dit, la plupart des interprètes, de certaines manières, ont, je pense, préféré regarder de notre côté. Donc, parce que c'était quand même pas vraiment. Ces affirmations de Marx sur le fétichisme réel sont vraiment pas trop. C'est difficile de les intégrer dans une approche qui veut. Qui pensent que le capitalisme est simplement une réalité qu'on peut constater, qui après est simplement falsifiée par une idéologie bourgeoise. Évidemment, c'est une approche facile à expliquer dans une assemblée, dans une manuelle. Elle est beaucoup plus difficile à comprendre en quoi le capitalisme pourrait déjà être la production d'une fausse réalité dès le début. Alors, vous savez également que le terme de fétichisme était quand même plutôt rare à l'époque de Marx. Et là, on va parler la prochaine fois plus longuement du fétichisme aussi dans le sens ethnologique. Vous savez que le terme fétiche a été d'abord utilisé par les Portugais pour décrire le culte qu'ils trouvaient chez certaines populations africaines qui, selon eux, adoraient des statues en bois. Et donc, pratiquement en portugais, c'est un fétiche, ça veut dire essentiellement quelque chose qui a été fait par l'homme, donc pas quelque chose de vraiment divin, non ? Donc, c'est l'origine de... Après, il y avait au milieu du XVIIIe siècle un voyageur français, Desbrosses, qui a utilisé ce terme pour caractériser un certain stade de la religion, le stade le plus primitif. Et donc, le terme n'a pas eu, je pense, une très grande diffusion, mais quand même, comme je pense que j'ai déjà dit, donc dans son tout premier article publié qui parlait des vols de la loi en Prussie relative au vol des bois, Marx déjà, en tout dernier paragraphe, il utilisait le terme fétichisme, justement en l'appliquant à l'or, en disant que les habitants originaires du Cuba, donc qui ont eu le malheur de rencontrer l'espagnol et qui sont vite disparus de la face de la terre après cette rencontre avec les Espagnols. Donc Marx citait quelques, je ne sais pas où l'avait lu, l'affirmation, donc qu'au début, donc ce sauvage entre guillemets était tellement frappé par la soif d'or des Espagnols qu'il pensait que évidemment, l'or était le fétiche des Espagnols, qu'ils faisaient une grande fête autour de l'or, donc comme autour du veau d'or dans la Bible. Et finalement, ils le jetaient solennellement à la mer. Et donc là, Marx commente, il faudrait faire la même chose avec le lapin qui était l'objet de cette loi en Prussie. Donc c'est un peu compliqué. Donc de toute manière, c'est curieux que Marx utilise ce terme vraiment déjà en 1842 dans son premier article publié et déjà d'une manière ironique qui va bien au-delà du terme de la signification religieuse, et déjà il l'utilise pour l'appliquer donc à des phénomènes, disons, économiques ou de production de la vie en général, ou plus précisément à l'or. Ce texte-là, il est publié dans la Gazette. Oui, dans la Nouvelle Gazette Renane. Un texte d'ailleurs assez brillant parce que la Chambre régionale, la Diète prussienne, voulait faire une loi pour défendre aux pauvres de chasser le lièvre et de recueillir du bois. Donc, déjà, ça faisait partie de la privatisation des ressources communes. Donc Marx, il en parle assez longuement, je pense qu'il a été publié en plusieurs parties, cet article, évidemment en prenant la défense des pauvres et en ridiculisant évidemment le législateur prussien qui ne trouve rien d'autre que de vouloir défendre aux pauvres de tirer sur le lièvre. Et d'ailleurs, C'est même vrai qu'aujourd'hui, évidemment, dans une perspective écologique, on pourrait peut-être reconsidérer encore la question d'une autre manière, mais à cette époque-là, la chasse aux lièvres était évidemment pour le pauvre une manière assez importante aussi de pouvoir, de temps en temps, manger de la viande à une époque où le pauvre ne pouvait pratiquement rien en manger. Parce qu'au moins en Allemagne, la pauvreté, donc la première moitié du 19e siècle était probablement arrivée à son apogée. Donc, maintenant, on ne va pas trop parler de la récurrence du terme fétichisme qui apparaît ici et là aussi dans les Grundriss et dans les théories sur la plus-value. Et je dis donc deux fois de manière, dans le premier volume du Capital et dans ses manuscrits pour le troisième volume du Capital. Et justement, j'ai écrit récemment un article, j'espère, qui paraîtrait bientôt. Je dis donc. Le terme a eu d'ailleurs une rare, a très peu de succès dans le débat marxiste, tandis que le terme d'aliénation, de déréification, a eu à partir des années 20 et surtout à partir des années 50 une certaine diffusion dans le marxisme critique. Mais encore longtemps, on n'a pas vraiment fait le lien entre l'aliénation qui finalement est devenu un terme assez vague, donc qui plaisait aussi beaucoup, disons, aux théologiciennes et à d'autres choses qui se plaignaient simplement du destin de l'homme dans la société occidentale, du genre Heidegger. Donc les liens avec le fétichisme, finalement, n'ont pas vraiment été faits. Donc il y a une auteure importante, auteur marxiste, élève de Lukács, Ivan Mestaros, qui a publié en 1970 un truc de 1000 pages qui s'appelle « Le concept d'aliénation chez Marx » où pratiquement le terme de fétichisme n'apparaît jamais. Donc après, le terme d'aliénation est tombé un peu dans la désuétude, comme on dit, dans les années 70 et 80, parce que les postmodernes ne savaient plus absolument quoi en faire, parce que le terme d'aliénation semble comme renvoyé d'une espèce d'essence de l'être humain, quelque chose d'authentique par rapport à laquelle l'homme se serait aliéné, serait déchu. Évidemment, le terme d'aliénation donc, est presque disparu donc, sous le feu de la critique adressée à toute forme de, comme on disait, d'essentialisme. Et donc je pense que ce n'est que plus tard, que peu à peu, on a découvert que finalement le terme de fétichisme dans les Marx tardives recouvre finalement assez exactement ce que le jeune Marx appelait l'aliénation. C'est au moins une lecture possible que je défends. Il y a même donc ce sont quand même, il y a quand même une espèce de continuité entre ces termes. La critique de la valeur a sûrement donné plus de poids au terme de fétichisme que toute autre lecture de Marx, surtout en disant qu'essentiellement la théorie de Marx est essentiellement une théorie de la valeur, et la théorie de la valeur est essentiellement une théorie du fétichisme de la marchandise. Donc on pourrait presque dire que la théorie du fétichisme, d'une certaine manière, est le noyau, si on veut, presque secret au monde de la partie donc profonde ou radicale de la théorie marxienne, parce que j'insiste toujours, Marx n'analyse pas la valeur, la marchandise, l'argent et le travail comme de faits peut-être déplorables, mais quand même certaines manières évidentes, donc qu'on peut simplement s'approprier ou les utiliser pour un autre usage comme on pourrait le faire avec une table ou avec une fusil. Non, Marx les analyse dès le début comme des formes fétichistes, négatives, destructrices de la production de la vie sociale. Et donc c'était aussi dès le début la critique de la valeur, donc aussi fait le lien d'une certaine manière entre le fétichisme de la marchandise et d'autres formes de fétichisme, pas tellement avec le fétichisme donc par Freud, même si on va ici peut-être en reparler, mais on peut évidemment le faire avec le fétichisme en ethnologie, donc comme une stade pas seulement de la religion mais plus en général de l'organisation sociale. C'était évidemment le mérite d'Horkheim, donc je voudrais parler la prochaine fois avoir analysé dans le fétichisme effectivement tout un stade de la société, donc à peu près identique au totémisme. Durkheim a étudié en Australie, d'ailleurs sans jamais être allé en Australie, donc il s'est basé exclusivement sur des récits d'autres voyageurs, une chose qu'aujourd'hui je pense ne serait même pas admis pour faire soutenir une mémoire de master. Mais à l'époque, on n'insistait pas tellement sur une connaissance empirique du terrain, et au moins dans le cas de Durkheim, je pense qu'on voit aussi que ce n'est pas nécessairement une condition indispensable pour comprendre quelque chose d'une société donnée. Donc c'était une des idées du départ de la critique de la valeur, de dire, avec une formule un peu facile, à effet, de dire que l'histoire n'est pas tellement une histoire de lutte des classes, comme disaient les manifestes communistes, mais plutôt on pourrait l'interpréter comme une histoire de fétichisme. C'est-à-dire, tandis qu'en vérité, on se tromperait de vouloir expliquer le conflit social dans d'autres sociétés sous forme de lutte des classes, on ne se trompe probablement pas si on dit que jusqu'ici, toutes les sociétés ont connu quelques formes de fétichisme, ça veut dire quelques où le pouvoir social n'était pas géré de manière consciente par les êtres, par les membres de la société, mais était projeté sur un objet externe dont la société pensait de dépendre. Et donc, de ce côté-là, le fétichisme au sens étroit, donc comme le totémisme, la propriété de la terre, la parenté de sang, et les grandes religions, à certaines manières, peuvent être interprétées comme des formes de fétichisme. Donc il y a un objet, pratiquement, donc, qui, d'une certaine manière, représente la substance commune, l'essence de la société, et donc la lutte aussi dans la société, et aussi pour l'appropriation, pour la gestion, pour l'appropriation, en même temps symbolique et réelle, de cette essence. Là, on va en parler la prochaine fois. En plus, c'est quand même évidemment un concept qu'il faut développer parce qu'en plus, c'est quand même très différent les différentes formes de fétichisme. En plus, le fétichisme religieux, évidemment, n'est pas la même chose comme par exemple la mystification, la glorification de la propriété foncière comme dans d'autres, comme dans une société médiévale. Mais je pense que ça, c'est quand même, si on veut, un joli programme de recherche pour le sens social, donc c'est-à-dire d'interpréter toute la société humaine comme des sociétés fétichistes. Et surtout, donc, si on interprète le fétichisme, finalement, aussi à travers la catégorie de l'inconscient. Donc, le fétichisme, je veux dire justement ça. Donc, c'est une société où les actions... ou même si les actions des personnes peuvent être conscientes d'un premier degré, parce qu'elles sont toujours, même dans les sociétés que nous sommes primitives, il y a quand même tout derrière un autre niveau qui n'est pas pris en compte consciemment par la société, qui s'est formé derrière son dos. Et il y a toujours un objet que la société adore, et donc qui en vérité est une projection de sa propre force, mais donc la société, tout au contraire, pense d'en dépendre. Donc évidemment, le sauvage, entre guillemets, pense de dépendre de son idole en boîte, comme nous pensons finalement de dépendre évidemment des marchandises ou des marchés financiers. En même temps, donc, justement, ce n'est pas une mise en scène pour cacher de rapports de domination réelle et consciente. Parce que vous savez peut-être une théorie assez répandue au XVIIIe siècle, c'était d'expliquer la religion comme une ruse des prêtres. Donc c'était un peu le fond aussi des personnes comme Voltaire, Holbach, etc. Donc la religion, d'une certaine manière, aurait été une fonction humaine avec laquelle le prêtre pratiquement convoquait le reste de l'humanité à le nourrir sans le faire travailler. Donc, et évidemment, c'est un passage important pour se détacher de la religion, mais il est clair aussi que cette théorie est quand même effectivement beaucoup trop courte pour expliquer le phénomène de la religion. Et je trouve que l'explication donné par le marxisme traditionnel du fétichisme comme une simple mystification reste à peu près de ce même niveau donc de la théorie du XVIIIe siècle sur la religion comme une espèce de simple tromperie organisée de manière voulue et consciente par le prêtre. Évidemment, donc c'est quand même, la chose est quand même beaucoup plus compliquée. Évidemment, en général, le prêtre de ces religions participe eux-mêmes évidemment du fait religieux ou magique. Et donc cela donc permet d'un côté donc de aussi voir une continuité entre la société marchande et les autres sociétés, parce qu'il faut d'un côté, là on va y revenir, quand même souligner il y a une véritable très grosse rupture entre la société marchande capitaliste et toutes les autres formes de société. Donc il n'y a pas, même pas une évolution organique et lente, mais il y a un moment de rupture violente qui on peut, selon certaines concordances, par exemple, situer à peu près au 15e siècle avec l'invention des armes à feu. D'autres voudraient peut-être ce moment de rupture plutôt rapproché de notre époque, au 17e siècle ou même au 18e. Il est quand même que le capitalisme n'est pas... est quand même quelque chose qui est apparu d'une manière assez violente et même soudaine dans l'histoire de l'humanité et qui est, complètement différent par rapport à toutes les autres sociétés à beaucoup d'égards, comme par exemple surtout dans son dynamisme aveugle. Donc justement voilà, le capitalisme est comme la seule société qui ne vise pas à se reproduire sur les mêmes bases, mais qui a justement à travers le travail abstrait, et surtout une fois que le travail abstrait s'est uni à la production industrielle, le capitalisme est comme dans une phase d'une espèce d'accumulation perpétuelle. Et de ce côté-là, je pense qu'on ne peut pas assez souligner la singularité du capitalisme. De ce côté-là, toutes les sociétés précédentes sont beaucoup plus similaires entre elles, je dirais, qu'avec le capitalisme. Bah, j'ai dit que c'est sujet à discussion, surtout dans les dernières, je pense, années, et sont apparus d'autres chercheurs, d'anthropologues, etc., comme Jack Goody, qui au contraire, souligne beaucoup que le fait que déjà, par exemple, en Chine ou ailleurs, donc, on trouvait déjà des formes de mentalité et de production assez similaires du capitalisme. Évidemment, là, ce n'est pas le sujet de notre séminaire. Et en plus, je pense qu'on peut toujours trouver des éléments singuliers, mais ils n'ont jamais dépassé tous ensemble ce qu'on pourrait appeler la masse critique. Ce n'est que dans l'Europe occidentale, à la fin du Moyen-Âge, que tous ces facteurs ensemble, de certaines manières, ont vraiment donné lieu à cette espèce d'explosion qui est la modernité. Et donc, ça aussi... Il faut toujours le souligner, comme le fait d'ailleurs Kurz dans son dernier livre, la marchandise, la valeur et l'argent et le travail abstrait sont des phénomènes strictement modernes, donc modernes, c'est-à-dire à partir grosso modo du 15e siècle. Ce qui nous paraît être de l'argent, surtout, ou de la marchandise dans d'autres sociétés, parce qu'évidemment, il y avait de l'argent qui circulait, par exemple, dans la société antique, avait quand même des fonctions largement différentes. Donc, c'est pas seulement de manière quantitative, l'échange de marchandises avait tout autre, un rôle beaucoup plus réduit dans l'Antiquité, par exemple, mais surtout, ce n'était pas une forme de médiation ou de synthèse sociale. Bon, on a parlé de la synthèse sociale au dernier cours. Mais ce genre d'échange était encore largement mélangé, même dans la société la plus développée, comme la Grèce, la Rome antique, était encore largement mélangé à une conception basée d'un côté sur le don et de l'autre côté, du même côté, basée sur une logique grosso modo sacrale au sens large de la vie. Donc l'argent, dans le sens que nous entendons ici, aussi comme représentant d'un travail réduit à sa seule dimension temporelle, donc le travail abstrait, est une chose strictement moderne. Donc, alors voilà où je voulais arriver. Donc, si le capitalisme est donc d'un côté, représente la plus grosse rupture de l'humanité après le néolithique, et je pense qu'on va en reparler la prochaine fois, de l'autre côté, ce qui quand même unit le capitalisme à d'autres sociétés, qui est une espèce de forme globale de la société, au moins à partir, disons, de la fin du paléolithique, c'est quand même probablement cette structure fétichiste. Là, au contraire, nous trouvons essentiellement quelque chose, une espèce d'évolution à travers les différentes... à travers le siècle et à travers les millénaires. Mais je répète, là, je pense que c'est quand même un véritable chantier encore ouvert. Surtout, évidemment, avec l'ethnologie, l'anthropologie et l'histoire ancienne. Aujourd'hui, je voulais plutôt, je suis encore à la première ligne, je pense que je demander une reconduction, même si vous êtes revenu ici. Alors, en vérité, donc justement, je ne voulais pas, je voulais anticiper sur cette idée, donc un peu, effectivement, je pense, important de... quand même faire une lien entre le fétichisme de la marchandise et d'autres formes de fétichisme. Je voulais en parler la prochaine fois. Parce que justement, il y a plutôt là une lien qui plutôt que donne, justement, par exemple, dans l'idée qu'il y a toujours eu de lutte des classes. Parce que c'est là, c'est fini pour avec le truisme qu'il y a toujours du conflit social. Mais là, c'est évidemment tellement évident qu'on ne peut rien en tirer de spécifique. Tandis que la théorie du fétichisme, ou le paradigme du fétichisme, insiste quand même sur le fait que, justement, jusqu'ici, aucune société, d'une certaine manière, a été une société vraiment consciente d'elle-même. Si après, on peut un jour y arriver ou pas, c'est une autre question qu'on ne veut pas décider ici. C'est-à-dire, même dans la critique de la valeur, il y avait, évidemment, au début, je pense, une certaine... peut-être même enthousiasme par l'idée que l'histoire de l'humanité est arrivée au point où, où on peut dépasser le fétichisme en tant que tel et arriver vraiment à une société qui se gère consciemment elle-même. Et là, évidemment, on peut toujours se réclamer de la fameuse phrase de Marx où il parle de la préhistoire de l'humanité. Il dit jusqu'ici, on n'a eu que l'histoire, on a eu que la préhistoire, donc il faut encore rentrer dans la véritable histoire. Donc ça veut dire la plus grande rupture, le plus grand passage est encore devant nous. Là, ça prête à discuter, ça faisait quand même partie d'une certaine, encore de l'esprit de lumière de Marx, une certaine idée du progrès, donc l'idée que quand même, à travers toutes les souffrances et les erreurs de l'histoire, il y a quand même eu une espèce d'accumulation de conscience, et peut-être nous sommes arrivés aujourd'hui au moment où on peut vraiment passer à la conscience, à une société consciente d'elle-même. C'est quand même une idée d'un côté assez hegelienne et de l'autre côté aussi assez proche d'une logique du progrès. Moi, au moins aujourd'hui, je serais quand même beaucoup plus prudent. Je pense que ce n'est même pas possible de décider cette question. Et de toute manière, je pense pour critiquer au moins cette forme spécifique du fétichisme de la marchandise que nous vivons aujourd'hui et qui est sûrement aussi la plus dangereuse qu'on a eue dans l'histoire, parce que de certaines manières, et donc c'est aussi ce fétichisme, cette incapacité d'avoir une conscience, contrôle de nos moyens de production, qui nous a donc amené aussi à la catastrophe écologique, climatique, etc. Et donc, pour critiquer cet fétichisme de la marchandise comme une forme particulièrement nocive, il n'est pas nécessaire d'être sûr qu'on peut dépasser toute forme de fétichisme. Peut-être ça fait au moins jusqu'à un certain degré partie de la constitution de l'humanité en tant que telle. Ça quand même peut-être sa partie liée avec, également avec l'inconscient de chaque individu, donc qu'on ne pourrait jamais entièrement porter à la lumière, on dit. Je pense que ce n'est pas nécessaire de se poser cette question-là. Donc si une société, s'il peut y exister une société sans aucune forme de fétichisme, donc il n'est pas nécessaire de dire oui, à cette question pour pouvoir au moins avoir le droit ou la possibilité scientifique de, pour le moment d'investiguer, donc c'est-à-dire de comprendre la société fétichiste dans laquelle nous vivons aujourd'hui, donc c'est-à-dire déjà depuis quelques siècles d'une certaine manière. Alors, comme je dis, alors, peut-être là, une certaine tentative de placer le fétichisme dans la histoire historique du fétichisme, surtout aussi dans les théories sur le, aussi de Marcel Mauss sur le don et de Karl Polanyi sur le désencastrement de l'économie, et on va le faire la prochaine fois. Aujourd'hui, je voulais plutôt insister sur un autre aspect de la théorie du fétichisme. Et c'est la critique de la catégorie de l'intérêt personnel. Si nous prenons le fétichisme pas comme une mystification, une tromperie, mais comme une réalité, donc ça veut dire que les individus, les acteurs de la vie sociale, économique, mais aussi la société toute entière, justement, ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire... nous sommes de certaines manières, mais peut-être même si pas complètement, nous sommes agis, peut-être de mécanismes, plutôt que d'agir tout le temps consciemment. C'est-à-dire, ou même lorsque nous pensons de prendre des décisions concrètes, évidemment, ce qui est toujours une possibilité, individuellement ou collectivement, quand même, en faisant cela, nous exécutons aussi d'autres lois qui sont derrière et qui sont beaucoup moins visibles. Évidemment, je ne sais pas, l'entrepreneur, il est apparemment libre, par exemple, de décider s'il veut investir son argent plutôt dans des œuvres, je ne sais pas, dans le restaurant du cœur, dans l'industrie pornographique ou ailleurs, pour voir où ça rentre. Donc, le restaurant du cœur ne rentre pas. De toute manière, il faut investir où il veut. Évidemment, là, il y a une certaine liberté du choix, et qui d'ailleurs existe dans toute société, mais évidemment, en faisant cela, il a quand même, il exécute d'autres lois sur lesquelles il ne réfléchit pas, il ne peut presque pas réfléchir, c'est par exemple la nécessité de la valorisation de la valeur à travers le travail abstrait. Et donc, en général, dans les sociétés fétichistes, toutes les discussions, même là où il y a un certain niveau, disons, de discussions sociales, donc il y a presque en général, ces discussions portent en général toujours sur la meilleure façon d'exécuter ce qu'on appelle par exemple les lois économiques et les impératifs technologiques et d'autres choses qui, en tant que telles, ne sont pas mises en discussion parce qu'on les considère comme à peu près l'équivalent d'une loi naturelle. Évidemment, s'il pleut, on peut éventuellement décider s'il vaut mieux de sortir avec une parapluie ou il vaut mieux de se mettre une capuche, mais évidemment, on ne peut pas mettre en discussion la question de la pluie. Peut-être aujourd'hui, oui, avec la catastrophe climatique, mais en général, on ne peut pas. Mais il y a justement une fausse analogie que lorsque, évidemment, par exemple, on discute si pour assainir les bilans d'État, il vaut mieux de laisser le jeune son travail ou de laisser mourir de faim le retraité. Évidemment, là, apparemment, il y a une discussion démocratique, c'est qui, par exemple, doit payer les prix. Mais en général, il n'y a, par exemple, pas une discussion sur l'idée que, par exemple, il faut que l'État, par exemple, se finance sur les marchés à travers les emprunts et donc qu'il ait un budget équilibré. Ou même si on met en discussion cette idée du budget équilibré, alors on propose simplement de se financer avec plus de taxes sur les riches. Par exemple, presque jamais, par exemple, on analyse, par exemple, dans ces cas-là, on discute la nécessité que la richesse sociale prenne la forme d'argent, etc. Évidemment, et même si donc cela est possible en théorie, c'est un peu ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est aussi l'importance de la théorie, dans les discussions pratiques, en général, on discute, cela vaut à peu près pour toute société, on discute seulement de la meilleure façon d'exécuter quelque chose qui est déjà présupposé. Au Moyen-Âge, on pouvait se demander quelle était la meilleure façon de respecter la volonté de Dieu, mais qu'il y ait une volonté de Dieu, c'est Dieu qui décide qu'est-ce que les hommes doivent faire, en tant que tel, n'était jamais mis en discussion, etc. Et donc le fétichisme est donc cette forme d'une société inconsciente où on ne sait pas, et certainement en vérité, pourquoi on agit comme on agit. Et justement, je pense que cela aussi, cela donc, comme je dis, donc ça permet quand même de comprendre certaines profondes analogies entre nos sociétés et les sociétés pré-capitalistes, parce que certaines manières, nous croyons évidemment infiniment supérieurs à des sociétés religieuses ou magiques, etc. Nous pouvons, nous nous croyons justement, comme on dit, sécularisés, mais en vérité, donc nous sommes certainement à plat ventre devant les lois économiques et nous considérons également comme des divinités, comme le sont d'autres devant leur conception magique ou religieuse du monde. Ou d'ailleurs, c'est là, d'ailleurs, on va aussi parler peut-être la prochaine fois. D'ailleurs, pour la théorie de lumière, justement, de lumière se concevait comme une rupture énorme avec tout le passé religieux. Et en général, toute la société moderne se conçoit en tant que telle, donc comme ayant définitivement dépassé ce concept. Cette dépendance à l'égard des pouvoirs célestes, des pouvoirs du ciel. Et justement, la théorie du fétichisme, d'une certaine manière, au contraire, on insiste sur le fait qu'en vérité, nous ne sommes jamais sortis vraiment de la religion du fétichisme. Là, on va en reparler. En vérité, dans la société moderne, essentiellement, simplement, nous avons fait quelque chose qui est encore pire, d'une certaine manière, nous avons fait descendre Dieu ou le Dieu du ciel, au moment où il était dans un domaine séparé, nous avons mélangé à notre vie quotidienne, justement, dans la marchandise que, comme dit Marx, est un être sensible, suprasensible. Donc, en vérité, dans la société moderne, on pourrait presque dire que bien loin d'une sécularisation, c'est au contraire, nous sommes dans une là où règne la double dans toute la marchandise, même la tasse de café risque de devenir, certaines manières, un objet religieux, parce qu'évidemment, il est investi d'une espèce de pouvoir magique qui est ce travail passé qui représente l'objet. Et donc la critique du fétichisme est donc aussi une critique, évidemment, inclut aussi les sociétés précapitalistes, évidemment, loin de toute valorisation romantique de l'univers fermé des sociétés précapitalistes. Et elle insiste sur le fait que nous sommes encore trop proches de cette forme de religion et qu'il faudrait peut-être arriver un jour à être vraiment émancipé de cette emprise de la métaphysique sur notre reproduction sociale. Je vous dis quand même que l'affirmation que nous sommes encore dans une continuité avec le fétichisme prémoderne peut d'ailleurs aussi être lue dans une façon inverse. Et c'est ce que font des auteurs comme Maurice Godelier et d'autres anthropologues, qui essentiellement analyse parfois assez bien comme marché le fétichisme ancien précapitaliste, mais de certaines manières, ils disent que nous sommes encore dans la même perspective. Mais là, ce n'est plus quelque chose qu'on peut dépasser, mais qui dit simplement que nous aujourd'hui, que il y a une espèce de nature humaine qui se reproduit toujours. D'ailleurs, le livre de Godelier s'appelle le dernier, donc personne ne le connaît. Je crois qu'il n'y a pas Clément aujourd'hui, au fondement de société humaine. Et donc là, au contraire, c'est une espèce d'analyse, d'ailleurs très, très touffue sur le plan anthropologique, où pratiquement, donc, la forme de fétichisme, de vénération, d'un pouvoir projeté, etc., devient une espèce de condition humaine générale qui distingue toute société, et donc où nous, pratiquement, nous sommes, dans notre société moderne, pratiquement ne que une espèce de variante d'une espèce de cette logique presque éternelle de l'être humain. Donc, qui se base justement sur, comme analyse Godelier, une façon humaine assez générale de répondre aux grandes questions de la mort, de la sexualité, etc. Et finalement, notre société ne serait pas qu'une variante. Je trouve là, c'est intéressant cette approche, qui d'ailleurs, on trouve déjà chez Lévi-Strauss et chez d'autres classiques de l'anthropologie. D'un côté, il y a des mérites, je trouve, à insister justement sur le fait que nous ne sommes pas du tout si illuminés comme nous les croyons, que nous sommes encore dans une forte continuité avec le rapport de, avec la société religieuse. Mais de l'autre côté, je trouve quand même le dilemme là est résolu d'une mauvaise manière, parce que finalement, il n'a même plus, on ne peut même plus penser la possibilité d'en sortir. Donc, ce moment-là, nous sommes simplement une autre forme de sauvage et nous le resterons de toute manière toujours. C'est aussi d'ailleurs un auteur qui a fait un peu parler de lui, et David Graeber, anthropologue américain, assez célèbre aussi, proche du mouvement du Occupy Wall Street, qui a fait des livres sur la dette, aussi pas sans intérêt, mais où d'une certaine manière, me semble-t-il, présente aussi la dette, justement la dette vraiment économique des banques actuelles, justement sur le fond de la dette aussi vraiment comme un principe anthropologique. Donc c'est une espèce de dette, parce que dans les sociétés, comme l'avait déjà analysé Marcel Mauss, dans les sociétés du don, qui sont pratiquement toutes les sociétés précapitalistes, se base socialement sur l'idée que tout le monde est en dette avec, avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui crée le lien social, l'obligation de donner, de rendre, de recevoir et de rendre, disait Marcel Mauss. Je dis, d'analyser maintenant directement, de dire par exemple que non, sur la question d'aujourd'hui de comme la financiarisation, qui sont pratiquement la réédition d'attitudes qu'on trouve également dans les sociétés beaucoup plus entre guillemets primitives. D'un côté, oui, c'est intéressant pour faire voir effectivement que il y a un fétichisme dans tous ces mécanismes. Comme je dis ici, le fétichisme est trop directement reconduit à une espèce de facteur éternel humain et plus à une véritable particularité historique. Alors, en vérité, je voulais quand même, je suis arrivé presque à la deuxième ligne de mes notes. arrivé justement à la critique de la catégorie d'intérêt. Alors, la catégorie de fétichisme, que ce soit dans la critique de la valeur, mais même dans les versions plus anthropologiques, par exemple chez Maurice Cordelier, d'ailleurs, il fait cours ici à l'école des attitudes. Je pense que ça vaut la peine d'y aller, même s'il est assez âgé, mais je pense qu'il faut une ou deux fois par mois, elle donne des cours ici à l'école d'attitude. Et donc, c'est comme intéressant, dans tout concept de fétichisme, c'est l'idée que, donc, que les individus, essentiellement, ils exécutent des lois qu'ils n'ont pas créées, et donc même pas collectivement, et que donc, en général, ils ne sont pas conscients même de le faire. Ils croient de poursuivre leur intérêt personnel, privé, même égoïste, mais en vérité, en le faisant, ils exécutent d'autres lois. Et donc, cette idée du fétichisme est quand même en rupture totale avec l'idée, justement avec l'individualisme méthodologique, selon lequel la société est composée d'individus qui font un calcul rationnel de leur utilité. Et là, évidemment, c'est la base de toute pensée, de toute l'économie politique bourgeoise et en général de toute conception moderne et bourgeoise de l'individu, au moins dans sa forme libérale, qui est la forme qui est largement prévalente. C'est l'idée que chacun a une connaissance, a des désirs, et veut, et sont seulement définis d'ailleurs en général en termes matériels, et il cherche les meilleurs moyens pour réaliser ce désir, et donc et ce qui en vérité, et c'est donc là, c'est vraiment le fondement ontologique et anthropologique, par exemple, de ce qu'on appelle aussi les lumières escossées, de la pensée d'Adam Smith, de Hume et d'autres. Donc chacun est l'artisan de son propre bonheur, chacun cherche, évidemment c'est là aussi l'idée de lumière, donc l'être humain ne vit pas au service de Dieu, il ne vit pas pour sauver son âme, l'idée que chacun vit essentiellement, donc le fondement, donc c'est l'individu et pas par exemple la chrétienté, et même pas la nation, etc., et même pas la ville comme au Moyen-Âge en Italie, par exemple chacun est essentiellement vit pour soi, donc c'est Hobbes le premier qui l'a formulé de manière accomplie. Chacun, donc, la seule chose réellement existante, c'est l'individu avec ce besoin et ses désirs. Et la société ne peut qu'exister comme une rencontre entre les individus et, évidemment, on est toute l'histoire, donc Hobbes a dit que ça va terminer assez mal, donc tout le monde va se entre-dévorer s'il n'y a pas, évidemment, une souveraine qui va obliger tout le monde à garder l'épée dans la fourrure et de ne pas se entre-tuer tout le temps. Après, évidemment, Hobbes, d'autres ont dit, il ne faut quand même pas nécessairement avoir un grand frère tout le temps à nos côtés qui nous assomme, donc, parce qu'il y a une autre chose plus forte pour nous lier, nous empêcher de faire la guerre, et c'est l'intérêt. Donc chacun va finalement, en vérité, la meilleure façon, parce que personne ne peut vivre seul, et donc la meilleure façon pour chacun de réaliser ses intérêts, de se mettre d'accord avec les autres et de respecter les règles. Et là, donc, la théorie de la main invisible de Adam Smith, qui est quand même la théorie de base du capitalisme. Donc l'idée, donc, d'ailleurs anticipée sur une forme beaucoup plus cynique, vous savez, au début du XVIIIe siècle, par Bernard de Mandeville, et dans sa fable des abeilles, où il affirmait, donc, avec un cynisme qu'on n'avait jamais connu avant, que toutes les vertus chrétiennes sont absolument inutiles. Si on les respecterait, tout le monde vivrait dans la pauvreté. Et donc, il faut encourager le vice, et chacun, en suivant son propre penchant vicieux, donc, qui est uné à l'être humain, donc il ne faut pas le briser, il ne faut pas obliger les êtres humains au sacrifice, à la ascèse, que chacun suive ses penchants, et finalement, de certaine manière, ça va faire que tout le monde va collaborer, justement. Parce que la meilleure façon pour satisfaire ses besoins, c'est de coopérer avec d'autres. Je dis, chez Mandeville, ça prend une forme très, très cynique. C'est aussi un peu la raison pourquoi plusieurs auteurs, pas seulement Kurtz, mais par exemple en France, Dany Robert Dufour, dans des livres d'ailleurs assez remarquables, au début, ont analysé en Mandeville les véritables fondateurs de la mentalité capitaliste. Donc on se sépare de toute idée chrétienne d'un individu vertueux, donc l'idée de société virtueuse. L'être humain est méchant par nature, mais ce n'est pas un problème, parce que si tout le monde l'est, on va finalement arriver à une société peut-être pas virtueuse, mais qui fait le bonheur de tout le monde. Et donc là, c'est l'idée née au XVIIIe siècle, donc ce n'est pas par hasard qu'elle est née en Angleterre, donc le pays du capitalisme industriel. Et bon, on est resté grosso modo avec cette théorie jusqu'à aujourd'hui. On est tellement resté qu'on ne peut presque plus imaginer d'ailleurs d'autres façons. Par exemple, cette idée de définir l'individu essentiellement comme un individu, donc comme le non-divisé, comme une unité toute autosuffisante, est pratiquement au fondement de presque toutes les sciences sociales modernes. Il y a des exceptions, par exemple Durkheim et son école, mais essentiellement, c'est resté relativement marginal. Ça pose d'ailleurs d'autres problèmes. Il y a évidemment l'exception de Marcel Mauss, qui d'ailleurs vient de Durkheim, et qui conçoit l'être humain essentiellement comme membre d'une chaîne de dons. Donc tu es toujours, dès le début, dans une relation. La relation n'est pas quelque chose donc, qui arrive après l'individu séparément. Au contraire, l'individu, à la limite, n'existe que comme articulation d'une chaîne de dons, ou chez Durkheim, comme articulation d'une tout. Mais j'ai dit, ça restait relativement minoritaire dans le sens social, et en plus parce qu'évidemment la réalité capitaliste se base pas seulement dans l'idéologie, mais même dans sa pratique exactement sur cette idée de l'individu qui joue tout le temps des coudes et qui doit s'affirmer à tout prix. En général, un autre livre qui met en doute, par exemple, qui retrace la genèse historique de cette idée de l'individu toujours en guerre contre les autres, un livre de Marshall Salins, comment s'appelle Myriam. Oui, non, pas ça. Il a fait un petit livre récemment, Myriam, comme ça. Oui, mais finalement, ce livre, je l'ai trouvé. C'était pas ce que j'imaginais, il est tout fou, pour le dire. Pardon? Ah oui, donc... Oui, bah, effectivement, j'ai lu que l'argumentation me semblait parfois assez confuse, difficile, autre chose. Quand même, il y a une critique dans le sens social de cette approche purement individualiste. D'ailleurs, si je dis individualisme méthodologique ou approche individualiste, évidemment, ici, individualisme n'est pas d'entendre au sens moral. Ça ne veut pas dire une valorisation de l'attitude individuelle. C'est vraiment un principe épistémologique qui est assez proche à ce qu'on appelle en philosophie le nominalisme. Donc, ça veut dire qu'il n'existe que des unités petites, comme surtout donc, l'être humain ou d'autres choses réellement observables, comme par exemple le village, et que toutes les autres abstractions, en vérité, ne correspondent à rien, sont des pures abstractions nominales. D'une certaine manière, donc, d'ailleurs, l'individualisme méthodologique finit nécessairement par coïncider avec la fameuse phrase de Margaret Thatcher lorsqu'elle disait « Society doesn't exist ». Donc, je pense là, comme ça arrive parfois, donc une femme politique a dit clairement ce que le chercheur n'osait pas de dire de manière si brutale. Donc, et donc, pour cette approche, par exemple, évidemment, des concepts comme société, comme classe, et a fortiori des concepts comme valeur ou travail abstrait ne correspondent absolument à rien. Donc ils peuvent à la limite avoir une utilité pour organiser les données, mais ne constituent pas une plombe de la réalité. Et justement, comme je dis, même Marx, d'ailleurs, était là aussi, il hésitait, il ne se posait pas trop ouvertement le problème. Une certaine tendance à l'individualisme méthodologique se trouve même chez Marx. Par exemple, Kurz l'a bien analysé dans son dernier livre, Argent sans valeur. J'espère va peut-être paraître cette année en France, nous avons déjà quelques pistes. Et là, par exemple, il dit clairement, par exemple, Kurz, que même Marx était par exemple sur une fausse piste lorsqu'il pensait qu'on peut analyser la valeur d'une marchandise particulière. Par exemple, de savoir combien on a travaillé pour cette marchandise, d'abord, ce n'est pas mesurable empiriquement, mais même pas Marx l'a prétendu. Mais même la question, en vérité, est fausse, parce qu'en vérité, ce n'est pas par exemple, la question de la marchandise individuelle et de son producteur qui compte, mais combien des valeurs est produite dans la société tout entière et après un mécanisme de redistribution qui est assez compliqué finalement est alloué une certaine quantité de valeurs à chaque marchandise. Peut-être c'est un peu compliqué, mais on va peut-être y revenir. Je dis, même Marx, par exemple, hésitait, par exemple, le premier volume du Capital est comme très axé sur l'analyse d'une marchandise particulière et donc là, relativement proche de l'individualisme méthodologique. Tandis que dans le troisième volume du Capital, par exemple, Marx analyse le capitalisme comme un tout, comme un système où, par exemple, la marchandise particulière n'existe que comme articulation du tout. Et ce qui semble finalement une approche plus fertile. Et après, plus tard ou demain, donc je vais encore revenir un moment sur la question de la totalité. Pourquoi ? L'alternative à l'individualisme méthodologique et au nominalisme et au relativisme de sens social moderne, l'alternative n'est pas une pensée simplement de la totalité, mais une pensée, disons, de la totalité négative, de la totalité brisée, parce que la totalité n'est pas mon point de vue, n'est pas une instance simplement positive qu'il faut évoquer contre la fragmentation de la donnée individuelle. Donc la chose est plus compliquée. Mais je voulais d'abord justement dire, alors catégorie de l'intérêt, donc le concept de fétichisme, c'est bien pensé, donc c'est oppose à toute l'idée si fondamentale de la pensée bourgeoise, l'individu comme fondement du tout. Et cette idée, donc, sur le fond... L'idée, et comme je dis, en général, donc, cette idée de l'individu, donc ça veut dire, je veux dire, ce n'est pas nécessairement une valorisation éthique de l'individu, même si très souvent ça va de pair. C'est surtout donc l'idée que, justement, que la société n'est explicable que comme le résultat des actions des individus. Et donc, ce qui compte, c'est aussi, en fait, la seule chose qui agit sur l'individu, avec, aussi avec sa structure, d'ailleurs, anthropologique, psychologique, etc., avec ses désirs. Et là, donc, bon, déjà pour Adam Smith et Ricardo, c'était évident que pratiquement le seul désir que ça l'individu, c'est d'enrichir soi-même. Et s'il peut penser à quelque chose d'autre, à une communauté, à une patrie, etc., et il ne le fait que pratiquement comme une moyenne indirecte pour aider soi-même. Il est d'ailleurs assez intéressant de savoir que le premier paragraphe, le premier article de la Constitution des États-Unis, qu'est-ce qu'elle dit ? On le sait. Oui, exactement. Donc, le but de la société américaine, c'est de permettre aux individus, je ne me rappelle pas exactement la forme exacte, de poursuivre leur bonheur, the pursuit of happiness. C'était comme assez révolutionnaire par l'époque, parce qu'avant, il n'y avait pas de constitution, mais de toute manière, l'idée que c'était l'individu existe pour servir à son droit et pour servir à sa religion. Donc il y avait comme une nette, dans toute la société avant, il y avait comme une nette prééminence du collectif, de se représentant sur l'individu. Et la constitution des États-Unis indique vraiment un renversement, c'est-à-dire maintenant le collectif n'existe que dans la mesure, ou le droit d'existence, que dans la mesure qu'il aide l'individu à mieux vivre. Et donc même si on demande à l'individu de se sacrifier, par exemple en guerre, d'une certaine manière, c'est quand même toujours seulement une prix qu'on fait payer par l'institution qui t'aide à mieux vivre. Parce que ce n'est pas une espèce d'obligation métaphysique, par exemple, comme ça pouvait être l'idée de mourir pour son roi et pour l'ordre divin. Et donc toute la pensée libérale, donc surtout dans le pays France, Angleterre et États-Unis, donc a toujours insisté que donc la société existe pour les individus et pas le contraire. Évidemment, cela a trouvé des résistances, qui arrivent souvent des résistances qui étaient simplement l'opposé, souvent encore plus mauvais. Par exemple, le totalitarisme nazi, au contraire, le classique slogan, c'était « Toi, tu n'es rien, ton peuple est tout », c'était un slogan nazi, où on a simplement opposé au libéralisme et libéralisme une espèce de totalitarisme, où on demandait au contraire une espèce de sacrifice total, qui d'ailleurs, même en Allemagne, il n'avait d'ailleurs pas empêché quand même un développement vigoureux du capitalisme individuel. Et, évidemment, on peut dire, même tout le stalinisme était certainement une survalorisation du collectif. Mais comme je dis, historiquement, cela a été du perdant, donc le totalitarisme ouvert a perdu la partie contre cette idée du libéralisme. Et l'idée, donc, qu'il faut quand même essentiellement, donc chacun, comme je dis, chacun vit pour soi, donc chacun pense essentiellement pour soi, et s'il peut faire quelque chose pour les autres, c'est simplement avec l'idée qu'il y aura un retour. Et donc, d'ailleurs, c'est la fameuse tendance même à la individualisation de la société, qui d'ailleurs a de plus en plus progressé au cours du XXe siècle, avec donc, l'idée, donc, on ne se sacrifie pas pour sa patrie, mais après on a découvert même que les gens n'avaient pas envie, par exemple, de se sacrifier pour une famille, pour élever des enfants. C'est-à-dire qu'il y a plutôt plusieurs logiques qui en vérité se combattent. Parce qu'évidemment, une société totalement libérale, où chacun, à chaque moment, ne pense à son avantage, évidemment, est absolument invivable. C'est aussi vraiment la limite. Et voilà pourquoi il y a. Même dans la vie de tous les jours, on observe toujours cette contradiction entre, par exemple, le désir d'élever des enfants, avoir une famille, qui est comme une certaine manière une logique du sacrifice, et qui n'est pas souvent compatible, par exemple, avec la pure logique économique de l'épanouissement purement individuel. C'est d'ailleurs, note pas qu'au moins pour une longue période, donc, l'individualisme était plutôt souvent une espèce de familisme, d'ailleurs, parce qu'au moins pour les classiques de la réflexion sociologique, c'était l'individu auquel il pensait, c'était quand même toujours le mâle adulte blanc propriétaire, et donc sa famille était quand même pensée une espèce d'appendice à ce seul vrai individu qui d'ailleurs était celui, par exemple, qui votait. Mais donc après, on a eu ce statut du sujet de l'individu a été étendu à des couches toujours plus larges de la population. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui met effectivement en crise la même société capitaliste que nous vivons aujourd'hui. Parce que là, c'est un des cas où le développement de sa propre logique l'amène, d'une certaine manière, à des situations intenables dans ses propres critères, donc où il n'existe pratiquement plus aucune forme de lien social, ou même donc des liens par exemple en famille sont de plus en plus vécus sur la manière du contrat, parce que la forme typique du rapport entre individus, c'est le contrat, donc c'est le contraire de la tradition, le contraire donc de l'accord spontané, donc l'individu libéral vit pratiquement avec d'autres par la manière d'un contrat qui définit le droit et les devoirs et qui en principe est aussi révocable. Et justement, il y a des choses qui ne sont pas réglables avec contrat dans la société. Et justement, donc tout ces logiques, ces domaines de la vie qui ne sont pas réglables par contrat, donc je dis, rentrent souvent donc, en collision, donc justement avec toute cette sphère qui est l'individu et ses contrats. Mais par exemple, déjà une simple amitié, en vérité, ne peut pas se régler sur la manière du contrat. Mais la tendance, ça fait, est quand même là, de soumettre toujours plus de choses à la juridification de l'existence. Donc Dufour, dans son livre, je me rappelle peut-être là, Le Développement Marché, il reproduit par exemple même des modèles qui distribuaient des avocats dans les univers campus américains, où par exemple un couple qui veut faire l'amour donc peut signer un contrat avant donc pour régler exactement qu'est-ce qu'on va faire, donc pour confirmer qu'il n'y a pas de violence, même pas psychologique, etc. Évidemment, ça fait rire, mais c'est quand même relativement symptomatique d'une extrême tendance donc à la contractualisation de l'existence sociale qui est déjà effectivement tout contenu dans les prémices au XVIIIe siècle. Simplement qui a pris même des siècles pratiquement pour se débarrasser complètement de toutes les autres logiques qui venaient plutôt des sociétés précapitalistes, au moment où cette logique de la valeur et du contrat qui sont très liés apparaît dans sa pratiquement comme seul maître du champ. Donc justement, on voit qu'on n'arrive pas dans une société épanouie, où l'individu est souverain, mais au contraire, on arrive essentiellement dans une société pratiquement invivable qui est justement où tout le monde est en guerre contre tous, il n'y a plus de liens sociaux vivables à la longue, où c'est, il existe justement parce qu'ils ont échappé à cette logique de l'échange du contrat. Et où finalement, justement, des choses élémentaires, par exemple le soin prodigé donné aux personnes âgées, par exemple, commence à poser des problèmes énormes, justement, parce que là, il n'a plus de contrat, et donc il n'a plus la tendance, là aussi, à le régler sur le plan économique, avec tout cela que ça comporte, par exemple, au niveau affectif, au niveau psychosocial. Donc ici comme ailleurs, d'ailleurs, disons tout cela, évidemment, je ne veux pas nier qu'il y a aussi des aspects positifs. C'est évidemment, par exemple, la émancipation de tout ce qui, justement, n'était pas le mâle blanc adulte, etc., est aussi passé par cette forme de contractualisation, de même manière que même la marchandisation de la vie sociale, également, a aussi eu empiriquement des avantages. Donc, d'être payé pour un travail, ça pourrait être quand même mieux que la situation de presque esclavage, par exemple, qu'on régnait dans les campagnes encore presque jusqu'à la moitié, même en France, jusqu'à la moitié du XXe siècle, où des gens travaillaient, par exemple, toute leur vie simplement en tant que serfs de fermes, pratiquement, pour être nourris et logés, etc. Donc on ne peut pas évidemment nier que tout ce processus a aussi portait un côté d'émancipation. D'ailleurs, si ce n'était pas comme ça, il n'aurait pas été si bien accueilli. Mais on découvre justement dans la dernière décennie que ce processus, lorsqu'il se peut développer pratiquement en pleine sur ses propres bases, sans plus compromis avec des formations précapitalistes, on arrive en vérité dans une société totalement destructrice, où on doit tout le temps recourir à une espèce de compromis ou même parfois de revitalisation. Donc c'est une forme sociale, par exemple maintenant on encourage beaucoup les gens à faire du lien social, par exemple à découvrir leur quartier, à découvrir le voisinage, etc., à faire amitié avec les premières venues, justement parce que là on sent que ce n'est pas possible, une société qui ne se base que sur l'intérêt personnel, et donc on tente artificiellement de revitaliser ces formes. Bah, c'est un peu le même résultat comme de vouloir revitaliser artificiellement des patois disparus. Donc il suffit une génération et c'est disparu à jamais. Donc il y a, au moins semble-t-il, il existe, je pense on va aussi en parler dans la deuxième moitié du cours, maintenant une littérature assez riche avec des auteurs comme Alan Ehrenberg, etc., qui analyse justement le ravage que produit par exemple ce culte du soi et de l'individualité dans la société, ce qui d'ailleurs souvent ne les empêche pas d'être plutôt fascinés par leur sujet plutôt que de les critiquer, mais c'est une autre question. Mais dans 5 minutes je vais terminer, ça, finalement on peut discuter un peu, mais justement je voulais quand même dire, alors cette idée de l'intérêt, alors en général on les formule en termes essentiellement, au moins chez les penseurs économiques, évidemment en termes matériels, donc même aujourd'hui, donc tout le néolibéralisme, donc c'est basé toujours sur l'idée que l'individu, il veut surtout avoir une grosse bagnole, un frigo, et faire des voyages, et la société doit servir à l'individu, à lui permettre de s'acheter tout ce qu'il veut. Mais en vérité, là, ce ne change pas grand-chose si, plutôt que des choses purement matérielles, on peut ajouter, évidemment, dans une perspective plutôt nietzschéenne, évidemment, un désir de pouvoir, d'affirmation et de reconnaissance, voire, avec la psychoanalyse aussi, évidemment, la satisfaction de ses besoins, évidemment, pulsionnels. Mais là, quand même, justement, avec la psychoanalyse, justement, nous sortons justement de ce paradigme de l'intérêt, parce qu'au moins, s'il est quand même toujours individuel chez Freud, au moins, il n'est plus consciemment pourchassé. On dit justement l'idée de l'économie libérale était justement que l'idée que les individus peuvent suivre de manière rationnelle, consciente, construite leur intérêt. Et que la société, et les lois, l'État doit leur permettre de le faire, sauf par exemple qu'il y a par exemple des obstacles injustes à la libre concurrence. Alors, ce qui est justement est curieux, remarquable, qu'en vérité, le marxisme dans sa forme classique, et même Marx en partie, partage tout à fait ce paradigme. C'est un élément qu'on n'a pas assez souvent remarqué. Mais tout le matérialisme historique, toute cette affirmation que, d'ailleurs adressée contre l'idéalisme bourgeois, l'affirmation que l'être humain vit essentiellement pour la reproduction économique, que toute la sphère symbolique, la religion, le droit, donc l'art, etc., ne sont qu'une superstructure, voire même un travestissement des intérêts économiques de base, que tout ce qui compte, c'est surtout la satisfaction des besoins matériels poursuivis donc, à travers des actions collectives, souvent de manière consciente, par les acteurs comme les capitalistes et les prolétaires. Donc tout cela reste en vérité sur le plan anthropologique et véritablement dans le même domaine de la pensée libérale. Donc de ce côté-là, effectivement, on peut dire que Marx est resté trop proche de ce aussi de Marx, mais surtout les marxistes successifs, de ce modèle anglais de Smith et de Ricardo, et qu'on est resté sur une terrain effectivement sur l'idéologie de lumière. Donc il y a comme Et d'abord, cette espèce de prééminence du besoin matériel, où souvent on voit même une espèce de trait distinctif de la pensée marxiste. Et d'ailleurs, évidemment, toujours le vieil idéalisme l'a toujours reproché au marxisme, donc justement de définir l'être humain seulement à travers ce besoin matériel. Il y avait par exemple un livre d'un dissident dans les pays de l'Est, aux années 50, je crois oublier l'auteur, mais le titre était une citation biblique qui disait justement « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Et ce reproche donc au marxisme d'être trop attaché au niveau matériel a été reprise largement dans les dernières décennies par toute la pensée postmoderne, déconstructiviste, etc. Donc justement, qui reproche au marxisme d'être resté largement insensible à la dimension importante symbolique, à la quête de la reconnaissance, etc. Une reproche qui n'est pas toujours d'ailleurs fausse si appliquée au marxisme traditionnel. Comme je dis, avec Marx, comme toujours, son statut est plus ambigu. Mais au-delà de la question si c'est matériel ou pas, de toute manière, donc, presque tout le marxisme a toujours, donc, toute l'idée de classe se base quand même sur l'idée que les acteurs savent ce qu'ils font. C'est justement là la question. Les prolétaires, donc, et les bourgeois, et même les autres classes sociales, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent donc surtout, évidemment, certaines richesses matérielles. Et ils mettent en œuvre des stratégies pour arriver ou pas arriver. Et c'est là la lutte des classes et c'est là l'histoire. Et justement, cette idée de la société capitaliste comme le théâtre d'une lutte entre différents sujets opposés qui sont des sujets conscients, est justement une chose qui, à réflexion de fait, semble à peu près incompatible avec justement l'idée que la pensée du fétichisme. Et là, il faut aussi citer un autre terme de Marx, je pense que je n'ai pas encore cité, vous le connaissez, c'est le sujet automate, ou automatique, on pourrait traduire de manière, un terme qui n'apparaît qu'une seule fois chez Marx, mais qui est quand même assez important, où il dit que c'est la valeur qui apparaît ou qui entre en scène comme sujet automate. Donc ça veut dire le véritable sujet dont le capitalisme ne sort pas. Là aussi, Marx ne le dit pas, mais si on continue, on pense cette idée jusqu'à la fin. Les acteurs de la vie économique et sociale, bourgeois, prolétaires, etc., ne sont des sujets qu'à du niveau, si on veut, assez superficiel, donc du niveau donc, de l'exécution immédiate, mais les véritables sujets profonds, c'est la valeur, c'est l'accumulation de la valeur, c'est elle, entre guillemets, qui décide. C'est un processus inconscient qui se passe, et donc le sujet conscient, de certaine manière, dépend de cette autre forme de sujet. Et là aussi, dit comme ça, cette affirmation d'ailleurs paraît assez proche du structuralisme, c'est-à-dire l'être humain est agi par d'autres facteurs. La différence réside par le fait évidemment que le structuralisme voit cette structure, identifie cette structure inconsciente en général avec le langage, et pas avec les manières de se reproduire de la société. La différence est seulement, là aussi on peut revenir sur ce sujet, que pour le structuralisme, c'est quand même un fait qui fait partie de la condition humaine, c'est toujours comme ça, ça ne peut être diversement. Nous sommes toujours parlés pour le structuralisme, nous sommes parlés, et donc étant donné que tout dépend du langage, nous sommes aussi toujours agis par le... Et par les autres formes de langage, par exemple, comme pour Lacan, même l'inconscient est seulement une forme de langage, etc. Justement, là, il n'y a plus de pensée critique, il n'y a plus d'attention à la particularité de cette formation historique qu'est le capitalisme. Même un auteur, d'ailleurs si intéressant comme Foucault, pratiquement ne réussit pas vraiment à dire qu'est-ce qui distingue vraiment la société capitaliste par rapport à d'autres formes précédentes. Et souvent, il ne réussit pas à le lier à des modalités de production matérielle de la vie. Et justement, donc, l'idée du sujet automate, au contraire, donc, on dit qu'on sait là une particularité du capitalisme. Ce que, répète, je ne veux pas dire que d'autres sociétés étaient parfaitement conscientes, mais de toute manière, en parlant du capitalisme, on peut dire le capitalisme, le véritable sujet est la valeur. Je pense là, ça mérite d'être souligné. Et ça veut aussi dire, donc, le sujet donc là n'est pas un terme positif, donc ce n'est pas comme pour le marxisme traditionnel, le sujet n'est pas le prolétariat qui est déjà là, un sujet déjà prêt mais opprimé, encore qui a pas encore de conscience de classe et qui doit finalement arriver donc à prendre le à devenir conscient de soi et après prendre le contrôle de la société. Donc là, c'est la conception du sujet comme quelque chose de positif dans le marxisme traditionnel. Au contraire, donc, la théorie du fétichisme du sujet automate, le véritable sujet est un sujet négatif, c'est la valeur, donc cette forme vide qui, à la, cette manière, qui est à la conquête du monde, qui détruit ce qu'elle réussit à conquérir parce qu'elle soumet tout contenu concret à la logique vide et tautologique de son accumulation. Et donc c'est là le sujet, et ce sujet, donc c'est pas quelque chose qu'il faut ni détourner dans son usage, ni il faut le libérer, mais il faut simplement s'en libérer, il faut simplement le critiquer et pratiquement l'abolir. Donc il n'y a pas cette idée dans leur critique de la valeur qu'il y a une libération du sujet, mais au contraire, il y a une critique du sujet. Et ce qui apparaît comme des sujets dans la société capitaliste sont en général, donc les acteurs de la société sont en général les émanations, ou c'est-à-dire donc des exécuteurs de ce sujet fondamental qui est la valeur. Et donc le rôle des individus et aussi le possible processus d'émancipation consisterait justement dans le fait de se émanciper de leur statut de sujet, justement dans leur fait que ce que eux ils croient être être prolétaire, être par exemple être ou notre statut, en vérité ce n'est que pratiquement une forme d'exécution de ce sujet de base qui est la valeur. Et là évidemment ça va aussi dire que le sujet au sens empirique ils existent essentiellement, ils se sont formés historiquement à travers l'intériorisation de normes de valeurs et de travail. Là aussi, c'est un thème sur lequel on va revenir, qui d'ailleurs permet aussi là aussi de faire quelques liens avec la théorie de Michel Foucault. Et donc, dernière observation, je vais m'arrêter. Je suis encore à peu près à la ligne 2. C'est incroyable. Et donc, ça veut donc aussi dire, alors, l'intérêt personnel, évidemment, il existe. Et dans la société capitaliste, je répète, en général, ce n'est que le forme d'exécution ou le forme de déroulement concret, une autre logique qui est derrière, et que les individus, en général, n'ont pas de conscience. En général, ils pensent, évidemment, par exemple, de se enrichir, mais au-delà de ça, ils exécutent, donc, par exemple, des lois qu'ils n'ont même pas conscience, les lois de l'accumulation de la valeur. Ça, mais cela, ça a comme des conséquences. Ça veut dire que l'intérêt apparent, donc c'est-à-dire l'intérêt de se enrichir, de certaine manière, n'est qu'une espèce de vernis assez mince sur une autre chose qui est la production de la valeur et qui, en tant que telle, est totalement irrationnelle. Cela, je pense, c'est très important. La valeur, donc, évidemment, le désir, par exemple, de s'enrichir et en tant que tel, n'a rien d'irrationnel. Donc on peut le condamner moralement, voilà pourquoi le matérialisme historique était essentiellement une condamnation morale, mais il n'a rien de fou dans le désir, par exemple, d'exploiter terriblement ce pauvre ouvrier pour s'acheter 3 villas et 5 Rolls-Royce. Ça peut être très bête, mais il n'a rien d'irrationnel ou de fou dans cela, au moins jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un certain point. Mais justement, donc cet intérêt rationnel dans la société capitaliste, d'une certaine manière, les individus, chacun pose donc son intérêt tous ensemble et l'exécute derrière un autre système qui, en tant que tel, n'est pas du tout rationnel, mais qui est pratiquement parce qu'il est totalement autoréférentiel. C'est la machine de la valorisation qui consomme tous pour encore obtenir d'autres survaleurs et donc qui est totalement aveugle aux conséquences à ses propres conséquences, et donc tout un chacun en poursuivant rationnellement son intérêt individuel contribue, sans le vouloir, à une irrationalité collective qui, d'ailleurs, de toute manière, lui retombe sur la tête. Et exemple le plus classique et visible, c'est la crise écologique. Tout le monde est d'accord que c'est terrible, il faut y faire quelque chose. Mais personne n'est réussi parce que les intérêts de chacun individuellement vont toujours dans la direction opposée. Mais là aussi, cette différence entre l'intérêt individuel, par exemple, d'avoir une voiture garée devant ta porte qui te permet d'aller au travail vite. Donc, ce n'est pas une chose ontologique, cette opposition entre l'intérêt de l'individu et du collectif, mais dans ces cas-là, c'est quand même strictement lié justement à une logique individuelle plus ou moins pseudo-rationnelle et d'un ensemble qui est totalement irrationnel. Et là, je pense que là touche vraiment une chose importante. Et là, au moment de la théorie du fétichisme, je dirais, est dans une opposition totale par rapport au marxisme traditionnel. Le marxisme traditionnel voit dans la société des gens qui poursuivent leurs intérêts. Le capitaliste veut exploiter les autres et les autres se défendent contre l'exploitation. Et donc, il reste essentiellement une théorie de la justice sociale. Et là, par exemple, toute la théorie de la multitude chez Negri, elle reste dans cette idée-là, essentiellement. Mais en vérité, selon moi, ce cadre est quand même, malgré toutes ces critiques, aussi extrêmement fortes, parfois contre l'exploitation, la domination, etc., reste en vérité une théorie, selon moi, optimiste et lénifiant, parce qu'il présuppose toujours que les gens savent ce qu'ils font, donc il suffirait par exemple de changer la classe dominante, il suffit de changer le gouvernement, et on peut faire tout le contraire, parce que de toute manière, tout est quand même d'une certaine manière accessible à nos actions. Et en vérité, il est beaucoup plus préoccupant de penser qu'en vérité, il y a une machine emballée, une machine irrationnelle, qui est la machine de la valorisation. Et de toute manière, tandis que nous ne nous attaquons pas au mécanisme de base de cette machine, toutes les autres interventions risquent toujours d'aller dans la même direction, au-delà des bonnes volontés individuelles, ce qu'on voit dans la politique, même des gens de gauche, d'extrême gauche, lorsqu'ils sont au gouvernement, ils font la même chose comme les libéraux. Et alors, ceux qui ne sont pas au gouvernement l'accusent de trahison, mais ce n'est pas une trahison individuelle. Ça peut s'y ajouter, mais ce n'est pas là la question. Tout reste, il y a donc la machine de la valorisation en tant que telle et hors d'une intervention subjective. Elle pourrait être simplement être peut-être abolie en tant que telle. Et donc, ça veut aussi dire, en vérité, le capitalisme dans son cœur même n'est pas une entreprise moralement condamnable, mais quand même rationnel, où certains veulent dominer et exploiter les autres, mais dans son cœur même, un système justement irrationnel, comme pouvait être le pire, par exemple, des religions avec le sacrifice humain dans une autre époque. Mais je pense que là, c'est quand même une interprétation très différente par rapport à tout paradigme de l'intérêt. Et ça, évidemment, ça aussi plus tragique, si on veut savoir dire. Donc, ça permet d'un côté, on va le faire ensuite du coup, à affronter des thèmes qui restent inexplicables pour le paradigme de l'intérêt, que ce soit le nazisme, que ce soit le tueur fou dans les écoles, que ce soit d'autres phénomènes qu'on ne peut pas expliquer si on suit le paradigme de l'intérêt individuel et collectif. Ce sont des choses où il n'y a aucun intérêt, même pas indirect. Là, c'est justement les occasions où les caractères irrationnels et aveugles du capitalisme, d'une certaine manière, finalement, arrivent directement à la surface. Et dans ces cas-là, on voit aussi une autre chose, qu'il n'existe pas en vérité un stock d'autoconservation généralisée. Parce que l'idée, le paradigme de l'intérêt présuppose que chacun veut se conserver soi-même, que c'est le but suprême de l'individu. Déjà Spinoza l'avait, peut-être le premier qu'il avait formulé en termes philosophiques, le but de chacun est de se conserver. Ce semble évident, mais en vérité, on a déjà vu dans l'histoire, au XXe siècle, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, encore une théoricienne du premier théoricien marxiste allemand Karl Kautsky, il avait même dit, heureusement, il existe l'instinct d'autoconservation des ouvriers. Autrement, nous socialistes, nous ne pourrions même pas leur parler, leur inciter à la lutte. En vérité, là aussi, il était déjà, d'ailleurs, peu d'années après que Kautsky a dit cela, il a dû voir les ouvriers allemands de 14 courir en masse au front comme leurs collègues dans d'autres pays. Et donc, et après, donc l'époque du totalitarisme donc a totalement réfuté l'idée qu'il existe quelque chose comme un instinct de autoconservation. D'ailleurs, Hannah Arendt était une des premières à le dire clairement. Donc et là aussi, c'est un autre aspect important, parce que justement, donc, le caractère irrationnel de la société marchande est quelque chose qui ne porte pas avantage aux individus qui sont impliqués. Ça explique justement beaucoup d'autres faits, comme je dis, qui autrement seraient inexplicables dans notre société. Mais ça veut aussi dire que, par exemple, tout ce qui aujourd'hui, comme Serge Latouche, qui espère qu'il y a une espèce de sursaut de l'instinct d'autoconservation qui va finalement aussi nous sauver de la crise écologique, qui va pousser la population à tirer le frein d'émergence. Je pense que tout cela, c'est encore trop optimiste. On peut évidemment tirer le frein d'émergence, mais il n'y a pas un instinct d'autoconservation ou un intérêt qui va nous pousser à le faire. Parce que le fétichisme, au moment du fétichisme des marchandes, contient quand même dans son cœur une pulsion plutôt autodestructrice, une espèce de pulsion de mort, qui très souvent donc, se décharge plutôt dans les axons destructrices et autodestructrices, et on le voit en phénomène de masse. Alors maintenant, je ne sais pas quel crédit donner à des théories des auteurs comme s'appelle Jarvis Diamond, qui écrit un gros livre sur la culture humaine qui meurt, donc sur les sociétés. Les sociétés qui se seraient suicidées comme les Mayas ou sur les îles des Pâques, là on retombe à nouveau un peu dans une espèce de considération sur l'être humain en général, et après on veut voir si les habitants de l'île des Pâques, est-ce qu'ils peuvent nous enseigner nous aujourd'hui au XXe siècle en Europe. Là je suis un peu sceptique sur ces mises en parallèle de sociétés totalement différentes, mais il est sûr qu'on peut dire qu'aujourd'hui donc le ravage aussi que fait le capitalisme n'y sont pas du tout explicables avec l'intérêt rationnellement poursuivi d'une couche de spéculateurs, de capitalistes, de propriétaires, etc. Ça existe, mais ça ne contrôle pas du tout la machine. Donc les ravages sont essentiellement dus d'une machine qui donne son cœur, ne poursuit aucun intérêt identifiable et rationnel. D'ailleurs, si on dit machine, effectivement, parce que la logique, si elle veut purement abstraite, la valorisation, est évidemment devenue si terrible parce qu'elle s'était imbriquée jusqu'à devenir presque identique avec une logique autonome de la technique. Donc là, il y a aussi d'ailleurs faire une lien entre la théorie de la valeur et des théoriciennes comme Jacques Ellul. Ah, c'est pas possible. Je voulais m'arrêter à 2h30, mais je regrette. Mais... oui. Je voulais juste rapidement demander s'il y avait un parallèle, justement un parallèle qui le fait entre ce qui est réalité abstraite, le fait de descendre, de faire descendre, ce qui est séparé auparavant de Dieu dans le fini humain, et donc de rendre infini, quelque part, l'espace auparavant infini. On a fait un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 40, 30, 40, 1840, avec la notion de destinée manifeste qui a été mise en avant notamment par le Parti républicain-démocrate à l'époque. 1830. Oui, c'était 1830. Au début, oui. Et 1844, je crois, c'est le terme même de destinée manifeste qui est sorti dans la presse pour la première fois, et qui était l'idée que les États-Unis étaient porteurs. Alors, c'était en parallèle de la doctrine Moreau qui disait plus jamais les Europes, mais l'Europe ne pourra faire quoi que ce soit. C'est les États-Unis qui sont désormais libres de ça. Mais en même temps, la destinée manifeste, c'était justement, c'est un peu la réalité abstraite. Hein. C'est destinée manifeste, c'est impossible réalisation d'une destinée en soi, et qui s'est manifestée notamment par la conquête états-unienne au Mexique et au mais l'idée qu'effectivement les États-Unis étaient porteurs de civilisation, et que porteurs d'une culture, et que c'était une culture divine. Donc il y avait une conscience que destinée, enfin, il y a déjà une conscience politique de ça, c'est-à-dire que c'est pas uniquement quelque chose qui se faisait dans le dos ou à l'insu d'eux, et qui s'est manifesté par notamment la notion de la disparition de ce qu'on appelle la frontière et l'apparition de l'horizon permanent. Donc ça rejoint un tout petit peu dans des termes politiques et divins, en tout cas religieux, l'analyse marxiste, c'est-à-dire la descente effectivement, l'argent comme représentation phénoménale de la valeur. Quasiment la valeur devient, pour la destinée manifeste, c'était le salut. Le salut était dans l'homme, et donc c'était dans la conquête de ce salut permanent, c'était l'accumulation de salut. Donc je me demande s'il y a déjà eu le parallèle de fait entre cette société en cours de création, en opposition à l'Europe, et en même temps l'héritière de l'Europe que les États-Unis à l'époque, et puis l'analyse du capitaliste et fétichiste. D'un côté, on peut observer que les premières sociétés entièrement capitalistes, comme l'Angleterre ou les États-Unis, aujourd'hui, parfois, nous frappent aussi pour une série d'archaïsmes, donc de type religieux aux États-Unis, en Angleterre, pour tout leur apparat encore féodal. D'un côté, c'est évidemment que souvent, ça arrive que les premières sociétés, donc évidemment, leur sortie de l'ordre féodal est encore relativement incomplète. Souvent, après, ils ont gardé beaucoup plus que d'autres sociétés encore certaines traces qu'ils avaient encore acceptées au début. D'autres sociétés qui ont fait plus tard ce passage l'ont tout de suite fait de manière plus radicale. Mais évidemment, les États-Unis, c'est tout le rôle analysé par Max Weber, donc cette idée qu'évidemment la même réussite économique est vécue comme une espèce de confirmation d'une espèce de mandat divin. Mais je pense, comme je dis, je ne suis pas trop expert, mais même aujourd'hui, évidemment, une chose qui nous frappe, c'est aux États-Unis que c'est des gens. Évidemment, qui démontre qu'on enseigne à l'école que le monde n'a que 5000 ans, comme dit dans la Bible. D'un côté, il y a un côté archaïque, donc qui nous semble totalement grotesque. Mais autant que ça, ce ne sont pas des secteurs de la société qui, pour le reste, sont, par exemple, en général, contraires à la modernité. Ça peut être les mêmes gens qui sont totalement, par exemple, dans le côté, je ne sais pas, d'Internet, d'autres. Donc pour eux, ce n'est pas du tout quelque chose d'incompatible. Aujourd'hui, dans un domaine très, très varié, et en même temps très performatif. Oui, mais ça, quand même, c'est une particularité, effectivement, des États-Unis. Donc, c'est cette espèce de coexistence entre une religion traditionnelle et, évidemment, une logique hypercapitaliste. Aujourd'hui, deux types. Point de détail à la con, mais épistémologique, mais j'ai une question plus par rapport à des questions qui nous semblent d'ordre stratégique au gouvernement, qui sont quand même relativement importantes à aborder au gouvernement. Déjà sur la question de l'ethnocentrisme chez Marx, je pense que Clément Holtz a écrit des bons articles, justement en montrant que c'est un détournement qui est pris chez Marx d'un concept qui est essentiellement ethnocentrique, mais qu'il rapplique justement à sa société à lui, donc à partir de là, et donc sa société l'a autant fétichisée. Donc. À mon avis, déjà à partir de là, par ce pas-là, il sort d'un certain technocentrisme classique. Surtout que tout ce qu'il a écrit sur la fin de sa vie, et particulièrement sur la Russie, montre vraiment qu'il sort d'un hegelianisme et d'une sorte de linéarité, puisqu'il dira clairement à partir de la Russie qu'ils peuvent se passer, ils pourront peut-être passer au stade communiste sans passer par l'horreur capitaliste, justement, avec toute une réflexion sur la commune. Et là, je pense que ça rejoint la question stratégique assez importante, la question effectivement, qui peut être la question de sortir de l'économie, par exemple, aussi, effectivement, sur ces formes de vie et de pratique qui permettrait de sortir de ce fétichisme, parce que comme le dit Marx, c'est pas en substituant une catégorie à une autre, donc on va dire, on a sorti le fétichisme dans la tête, ça doit passer par une activité pratique, comme il le dit, et par l'abolition du travail, comme il le dit sur un texte magnifique sur Nietzsche, c'est bien. Donc c'est important. Et surtout la question du structuralisme, ça me semble un peu problématique, parce que, enfin pour moi, vous retournez en... Je sais bien que vous avez lu Henri, enfin je sais bien d'où vous venez, tout ça. Je l'ai, que vous avez lu Henri, enfin je sais bien d'où... Oui, un peu, pas beaucoup. Il y a aussi une question qui me semble justement, c'est qu'on retourne un peu dans la critique que peut faire Wittgenstein, qui peut faire Henri, un structuralisme dur. Et justement, je pense qu'il n'y a pas nécessairement ici de, je dirais ce que vous avez dit un peu sur la fin, mais d'opposition entre un individualisme méthodologique et l'analyse du coup de la société marchande en tant que société fétichisée. C'est-à-dire justement par quel biais, par quelles intentionnalités, et par justement bah, ici en pensant que ces intentionnalités sont la réalité de cette pratique, mais justement par quelles intentionnalités se dédie justement l'acte qui va produire et reproduire en même temps la société capitaliste, comme ce que dit Henri, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de moment de création, c'est-à-dire que l'objectif de Wittgenstein, c'est pas une structure qui va donner un rail, quoi, c'est juste pas des rails. C'est-à-dire comment justement dans la pratique va produire et reproduire en même temps le système capitaliste par justement, et ici l'analyse de la dépossession, justement, comme je vous fais analyser par le faire, par le support, par ici assez fondamental, justement, c'est pour ça que je parle de révolution quotidienne, c'est-à-dire comment justement dans les pratiques. Et donc on arrive au dernier point qui me semble justement la question stratégique, c'est-à-dire la réflexion sur quel, enfin, à moins de vouloir revenir à une sorte de somnome de la connaissance sans emploi, comme disait Debord, quelle pratique. Et quel type de, je dirais, de regroupement humain, pour employer un mot que Marx n'évoque, c'était fait de société, permettrait justement de sortir de ce défi. Et ici, il y a des questions qui me semblent aussi fondamentales et qu'on ne peut pas esquiver par une sorte de petite pirouette épistémologique que faisait Marx, qui disait non, on n'est pas là pour, effectivement, on n'est pas là pour donner des plans sur la comète, de façon utopique, comme il disait qu'il faisait des utopies. Mais quand même, il y a toujours eu chez Marx une volonté prospective. Qui me semble qu'on ne peut pas, à mon avis, perdre de vue dans une théorie critique. Ouais, difficile maintenant d'en discuter, mais non, pour la troisième, je pense qu'un programme pour le futur ne peut essentiellement exister que du côté négatif. On peut au moins dire tout ce qui ne doit pas y exister pour laisser après donc, à ceux qui sont la liberté de construire quelque chose d'autre. Oui, par exemple, sortir de l'économie avait une bonne démarche. Dans des pratiques réelles, de voir qu'il peut être limite, ça c'est une démarche qui, à mon avis, résiste, pour moi, n'est pas assez. Oui, mais c'est évidemment, le dire en général que ce serait surtout une forme de production, donc évidemment, il y a une distribution directe des ressources entre les membres de la société, donc qui ne se base pas sur un lien social extériorisé, comme ça peut être donc la quantité de travail qu'on représente. Il est aussi probable que cela nécessite quand même une espèce, une forme d'éthique collectivement partagée. Donc, parce que, évidemment, comme j'ai dit, il faut toujours tenter de s'abstenir de donner une définition de qu'est-ce que c'est l'être humain. On ne peut pas décider si l'être humain en tant que tel, par exemple, est nécessairement égoïste ou au contraire porté à des sentiments de sympathie avec ses semblables. Donc, mais il faut quand même se demander concrètement donc de quelle manière on pourrait, par exemple, comme organiser, par exemple, une société ou de certaines manières quand même. Il y a certaines obligations qu'on respecte, mais peut-être pas par rapport à une force oppressive, mais par exemple aussi à cause, par exemple, d'un esprit collectif auquel on ne veut pas se dérober, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés précapitalistes. Et la participation à ces collectifs, évidemment, peut en même temps donc permettre d'avoir un accès à tout ce qui est produit par le collectif. Oui, c'est justement dans les pratiques aujourd'hui, où peuvent se penser ces dépassements, enfin, c'est encore une fois, c'est plus cette question-là. Est-ce que, enfin, il y en a, et je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas penser, mais justement, comment voir dans ces pratiques, quelles sont ces pratiques, quels défauts elles ont, quelles limites elles ont, et comment elles peuvent vraiment penser, enfin, encore une fois, c'est par exemple ce que disait Panekog d'une façon intelligente, c'est-à-dire, Panekog qui est un vieux comité des conseils contemporain de Marx, très très vieux. Qui disait justement d'une façon intéressante, justement comment faire advenir, enfin, ce qu'on peut trouver chez Gramsci par exemple, enfin, comment faire advenir un État communiste à partir des pratiques, c'est-à-dire encore une fois toujours partir enfin, d'une façon très martienne, partir des pratiques et voir quelles sont pour justement les radicaliser, pour voir quels sont les potentiels qui reposent. Aujourd'hui, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tout un travail théorique qui est fait de ce côté-là par l'extrême gauche avec une valorisation de tout un tas de pratiques qui n'ont rien d'anticapitaliste, en tout cas sur la question de la logique de la valeur, sur autre chose. Et donc je pense qu'ici, il y a un problème, c'est que c'est une perte de combat qui se fait par ce moment-là, on ne peut pas, juste pour une raison que je peux comprendre tout à fait, qui est un point de vue théorique que je peux tout à fait comprendre, parce qu'on n'est pas là pour faire des plans sur la comète et pour donner des ordres en tant que classe avancée, vous savez quelle forme de choses. Mais quand même, il y a quand même toujours un souci prospectif que, à mon avis, Marx n'a jamais perdu. Et donc, des fois, le crisis me semble trop absent. On peut en reparler, quand même, je rappelle qu'ici, ce n'est quand même pas une assemblée politique, donc on est quand même, je propose une lecture, si on veut, entre guillemets, scientifique ou théorique de la réalité capitaliste. Absolument, très théorique. Le travail est abstrait, la théorie doit le respecter. Et donc, je suis toujours disponible à discuter. Prochaine, oui, on s'en fera après. Donc la semaine prochaine. Oui, d'accord. Deux semaines.